Kikala bimisa oyeza nina mote mananga Mangongo yezi wanoleka ya peple isi toile eko juje Atabo kangi baboma enanga mosusu akosi mabendele ya bosoni Je ne sais à qui nier, je ne sais à qui nier, je ne sais sacrifier. Attendez, passez à mon cousin, qui l'a